Mais il y en a plein, mais il y en a plein de serveurs, il y a des serveurs privés et tout. Ces flux-là, ils sont contrôlés par une entité qui est tout au-dessus. Tu vois, tous ces flux, ils les voient passer. L'application les voit passer. Il est capable de faire des actions. Mais là, par exemple, j'ai des serveurs de chez Discord, j'ai des serveurs de chez machin, j'ai des serveurs partout dans le monde différent. Oui, mais tous ces serveurs, des rooms à des endroits différents d'ailleurs. Oui, mais tous ces serveurs-là convergent. Parce qu'en fait, Ninja, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il reçoit les flux et il les synchronise. Donc ça veut dire que tous les flux de tous ces serveurs dont tu parles passent obligatoirement par lui. C'est obligé. Mais non, ça c'est en local que ça se passe, ça je te dis. La synchronisation, elle se fait en local avec le flux. Le flux, il est réglé pour s'auto-caler. Et après, les erreurs, les distances, ils s'en bat les couilles, c'est ça le truc. En fait, le truc, c'est qu'ils s'en bat les couilles, hein. Ça se passe, le calage, il se passe chez toi? Ouais. ce que tu veux dire, mais il faut qu'on aille plus loin, c'est archaïque pour nous. Tu vois ce que je veux dire, c'est... En fait, je pense que les gens viendraient proposer autre chose. Thank you.